fleuve de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, de nos harpes suspendues au sol. Là, nos oppresseurs nous demandaient des chants, nos bourreaux des cris de joie. Chantez-nous des cantiques de Sion. Mais comment chanterions-nous le chant de l'Éternel en terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem la première de mes joies. Jérusalem, je ne t'oublierai jamais.